niveau des matchs, c'est la conférence, vous ne jouez pas pour le line-up, je ne sais pas, c'est 40. Si, dans le milieu, c'est 45-45. Ouais. C'est beaucoup mieux comme ça. Merci vraiment de vous laisser vaquer aux entraînements individuels. 11 700 billets de vendu pour samedi. Puis j'entraînais, c'est confirmé. Demain, oui. C'est ce soir. Le soir, on pratique de 10h30 à 19h30. C'est ça. Demain midi à 13h30. Donc, c'est l'équipe de la RGDR. Devrait être au courant de la journée. Demain, c'est le midi à 13h30. Midi à 13h30. Moi, je vais voir. Il y a un cours de rugby à 1h30 qui ouvre. C'est très intéressant. 13h30 demain. Donc, merci beaucoup. Bonne journée.